وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا المجلس لهذا الدرس الثالث في شرح عمدة الأحكام كتاب الزكاة. Bienvenue aux chers frères à cette assise pour l'explication, pour le troisième cours dans l'explication du livre Umdat al-Ahkam, le chapitre concernant l'aumône, al-zakat, l'aumône obligatoire. وقد بدأنا شرعنا في الحديث الأول. On a commencé lors du cours précédent, on a commencé le premier hadith. ورأينا تعريف الزكاة لغة و التعريف عند الفقهاء. On a vu la définition de la zakat dans la langue arabe ainsi que la définition chez les fuqaha, chez les savants du fiqh. Mais maintenant, la définition de zakat chez les savants du fiqh. Là, lors du dernier cours, là, vous n'avez pas trouvé, c'est moi qui ai donné. Donc là, j'attends encore que vous me donniez la réponse. Salam alaikum. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shar'an. Naam. Hiya ibadat lillah. Mhm. Ta'budu lillah. Aha. Wa hiya ta'budu lillah bi ikhraj kull miqdar mashkhus. Li shakhs mashkhus. Makhsus. Makhsus. Min makan makhsus. Li shakhs makhsus. Il y a eu quelques petites erreurs à droite à gauche. Qui corrige? Là, il vous a déjà donné une bonne voix, là. Qui corrige? Salam alaykoum. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. Donc, je vais en français. La définition de la zakat, c'est une adoration à Allah. Mm-hmm. En s'acquittant d'une quantité spécifique. Mm-hmm. D'un bien spécifique. Naam. Et pour une personne spécifique. Mm-hmm. Et le quatrième point, c'est un moment spécifique. Un moment spécifique. Mashallah, mashallah. Il y a eu. Alors, à un moment spécifique, celui-là, on ne l'a pas encore rajouté. On ne l'avait pas encore vu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les savants qui ont cité cela. Fi waqtin makhsous, à un moment spécifique. Notre cher Cheikh Arafat, Hafidahullah Ta'ala, il en a parlé lui aussi. Et je voulais vous en parler aujourd'hui. Vous dire que parfois, certains savants, ils rajoutent aussi le fait de dire fi waqtin makhsous, à un moment spécifique. Et donc, à ce moment-là, la définition, c'est At-ta'abbudu lillah bi ikhraji qadrin makhsous min malin makhsous fi waqtin makhsous min shakhsin makhsous ila jihatin makhsousa. Et donc le fait d'adorer Allah en s'acquittant d'une quantité spécifique tirée d'un bien spécifique, parce que c'est pas que de l'argent, ça peut être de l'argent, ça peut être autre que cela, on le verra inchallah ta'ala. Donc une quantité spécifique tirée d'un bien spécifique à un moment spécifique. Donc une quantité spécifique tirée d'un bien spécifique à un moment spécifique d'une personne spécifique qu'on donne à une personne spécifique. Et le cours qu'on a fait la semaine dernière, ça concernait les deux derniers points. Tirée d'une personne spécifique et que l'on donne à une personne spécifique. Et ça, c'était dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa akhbirhum anna Allah farada alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim. Alors informe-leur que Allah leur a rendu obligatoire une aumône qui sera prise de leurs riches et redistribuée à leurs pauvres. Taïb, man humul aghniya, qui sont les riches? Qui sont les riches? Est-ce qu'il faut avoir une maison au bled pour être riche? Salam alaykoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. L'arnia, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani, le ghani Aïwa, ou alladhi yamliku an-nisab. On a dit, ce qui est voulu ici par les riches, ce sont ceux qui possèdent an-nisab. Est-ce que ça suffit pour donc que sa zakat soit acceptée et pour que ça soit obligatoire? Non, ça ne suffit pas. Hunak shurut li zakat. Il y a des conditions pour la zakat et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Fa dhakarat al-ulama min shurut az-zakat al-islam. Les savants, ils ont cité parmi les conditions de la zakat l'islam. Ay an al-kafir la yuqbalu dhalika minhu. C'est-à-dire que l'incroyant, on n'accepte pas cela de lui, on n'accepte pas sa zakat. On n'accepte pas sa zakat à l'incroyant. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre: "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi." La seule chose qui leur a empêché que leurs dépenses, que leurs aumônes soient acceptées est qu'ils ont mécru en Allah et en son messager. Idan al-kuffar la tuqbalu minhum az-zakat. Wa kadhalika min shurut az-zakat al-hurriya. Et donc les kuffars, les incroyants, l'aumône, la zakat n'est pas acceptée d'eux. N'est pas acceptée d'eux donc auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et aussi donc parmi les conditions de la zakat, il y a al-hurriya, le fait d'être libre. C'est-à-dire le fait de ne pas être un esclave. Et ce sujet-là, barakallahu fikoum, c'est un sujet qui est beaucoup abordé aujourd'hui, comme que ce soit aux Antilles ou en Afrique ou autre. Certaines personnes veulent attaquer l'islam par rapport à ce sujet d'esclavage. Et alors que laysa fi nusus ash-shar'i نص واحد يحث على الرقاق. Il n'y a pas dans les textes de la législation, il n'y a pas un seul texte qui pousse les gens à avoir des esclaves. Mais tous les textes poussent à l'expiation des esclaves. L'islam est arrivé alors que l'esclavage était déjà présent. L'esclavage était déjà présent. Et donc l'islam a poussé les gens à délaisser l'esclavage. Et l'islam a donné des limites précises. Et ces limites font que le seul lien qu'il y a entre l'esclavage que les hommes ont pratiqué et l'esclavage dans le terme légiféré en islam, c'est le nom. Le non-esclavage. Mais sinon, il y a une grande différence entre les deux. Il y a une grande différence entre les deux. Et tout cela, on le verra, bi'idnillahi ta'ala, dans les détails. Aussi, wa kadhalika min shurut az-zakat, 'indana an yamlika an-nisab. Et donc, comme on a cité précédemment, le fait que la personne possède an-nisab, la quantité imposable. Et donc la première condition, l'islam. La deuxième condition, le fait d'être libre. La troisième condition, le fait de posséder la quantité imposable. Wa ba'da dhalika istiqraru al-mal. Le fait que l'argent, c'est-à-dire le fait que l'argent soit disponible et accessible. Ce n'est pas quand tu possèdes un argent, mais qu'il n'est pas accessible. Comme on le verra, bi'idnillahi ta'ala, dans quelques exemples. Quelqu'un qui a de l'argent, mais elle ne peut pas accéder à cet argent. Elle ne peut pas le prendre. L'argent, il reste là, mais elle ne peut pas le prendre. De cet argent-là, on ne peut pas tirer la zakat. Tant que l'argent reste là. C'est-à-dire, tant que l'argent reste inaccessible. وَكَذَلِكَ مِنْ شُرُوتِ الزَّكَاتِ الْحَوْلِ. C'est-à-dire, un an. Le fait que l'argent reste en possession de la personne, où le bien reste en possession de la personne pendant un an. فَإِذَا فَهِمْنَا ذَلِكَ تَأْتِيْنَا بَعْضُ الْأَسْئِلَةِ. Et donc si on comprend cela, à ce moment-là, il y a quelques questions que nous pouvons nous poser. فلو أن شخصا يملك النصاب وجزء من ماله عند المدين فهل يدخل هذا الجزء في الزكاة؟ Là, c'est vous qui allez répondre, Inch'Allah Ta'ala. Si une personne détient la quantité imposable, une personne, elle a 10 000 euros. Elle a 10 000 euros. Et ça fait un an qu'elle a ses 10 000 euros. Mais les 10 000 euros ne sont pas sur son compte. Ces 10 000 euros ne sont même pas chez elle. La personne, lorsqu'elle a eu les 10 000 euros, elle les a prêtés à une autre. Et donc, elle lui a dit, j'ai besoin que tu me prêtes 10 000 euros. Elle lui a dit, tiens, je te prête 10 000 euros. Je te prête tout ce que j'ai eu. Tiens, tout. Depuis, cette personne, elle a son argent avec lequel elle vit. Elle a, d'autres, elle a de l'argent qu'elle gagne et qu'elle dépense. Mais il n'y a pas eu d'économie. Et donc, elle possède 10 000 euros qu'elle a prêtés à une personne. Il y a un an qui est passé. Là maintenant, c'est venu le temps de la zakat. Est-ce qu'on compte ces 10 000 euros dans la zakat ou pas? Si la personne elle est sûre de l'autre qu'elle va lui rendre, là il faut changer la zakat. Mais si elle voit qu'elle n'est pas sûre qu'elle va lui rendre, je pense pas qu'il va partir là. Ah, mashallah. Tafsil jayyid. Aïe, law anna al-madin lahu al-mal. أي له القدرة لرد المبلغ لكنه لم يرده لسبب ما هم اتفقوا على أنه يترك هذا عنده سنة أو سنتين أو أكثر. Si cette personne qui est endettée, cette personne à qui on a passé l'argent, elle possède l'argent, elle a la capacité de rembourser. Elle a de l'argent, elle a la capacité de rembourser. Mais elle ne rembourse pas pour une raison ou d'autre. C'est par exemple, ils se sont mis d'accord sur le fait que tu me rembourses dans 3 ans. Tu ne rembourses pas tout de suite. Je te laisse travailler avec l'argent, tu fais tijara avec, etc., etc. Et donc la personne a la capacité de rembourser tout de suite, mais elle ne le fait pas. Pour une raison ou pour une autre. À ce moment-là, il faut payer la zakat pour chaque année qui passe. Pour chaque année qui passe, il faut payer la zakat. Maintenant, si cette personne à qui tu as passé de l'argent, elle n'a pas la capacité de te rendre l'argent. Elle n'a pas la capacité de te rendre cet argent. C'est une personne qui est dans une situation difficile. À ce moment-là, non, tu ne comptes pas chaque année qui passe. Tu ne comptes pas chaque année qui passe. Et même certains savants, ils disent, et c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, quand tu récupères l'argent, tu ne donnes pas la zakat dessus. Quand tu récupères l'argent, là, tu commences à compter le début d'une année, lorsque tu récupères ton argent. Contrairement à celui que lui, il a les moyens. C'est comme si tu as mis ton argent à la banque. Lui, il a les moyens de te rembourser. C'est comme si tu as posé ton argent à la banque et que tu sais que dans 3 ans, Inch'Allah, il te revient. Là, tu comptes la zakat à chaque fois. Certains savants, ils disent, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il dit, tu as le choix. Soit tu payes chaque année la zakat, même si tu n'as pas encore récupéré l'argent. Soit tu payes chaque année la zakat, même si tu n'as pas récupéré l'argent. Soit tu attends de récupérer l'argent, et à ce moment-là, tu payes toutes les années qui sont passées. Et à ce moment-là, tu payes la zakat pour toutes les années qui sont passées. Tayyib, السؤال الذي بعده. رجل يملك النصاب وتم الحول ثم مات قبل إخراج الزكاة. Un homme possède la quantité imposable. Et le temps de 1 an est passé. Puis il meurt avant de s'acquitter de cette zakat. Qu'est-ce que on fait? Est-ce qu'il faut payer la zakat? Là, c'est les héritiers qui prennent l'argent. Vous savez comment ça se passe avec les héritiers? Vous savez comment ça se passe? Malheureusement, c'est la bataille. Et donc, les héritiers, est-ce qu'ils doivent donner la zakat avant de commencer à distribuer, à répartir l'argent? Ou alors non, c'est lui qui n'a pas payé, c'est lui qui n'a pas payé. Nous, ça ne nous concerne pas. Fait qu'on قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الورثة عليهم أن يؤدوا هذه الزكاة. Le Cheikh Ibn Uthaymeen il nous dit que les héritiers ils doivent s'acquitter de cette zakat. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Haqqullahi ahaqqu bil qada. Il dit les droits d'Allah sont plus en droit d'être acquitté. Et donc le droit d'Allah, la zakat, elle est plus en droit d'être acquittée que votre droit à vous, c'est-à-dire l'héritage que vous prenez. Donc d'abord, on retire la zakat, et d'abord, on retire les dettes de l'individu, puis après cela, on divise la zakat. Taïb, j'ai une question. Un homme dans la même situation, il meurt. Mais on ne sait pas s'il a payé la zakat ou pas. On ne sait pas. Il n'y a aucun signe qui nous montre qu'il a payé la zakat. On fait quoi? Parce que ce n'est pas tous les gens qui mettent. Les gens ne marquent pas sur un 3, sur eux, j'ai payé la zakat. Tu ne vois pas chez ton frère, c'est marqué j'ai payé la zakat sur le mur. Taïb, un homme est mort. On ne sait pas si cette année il a payé la zakat ou pas. On fait quoi? Le Cheikh Arafat el-Mohammedi nous dit ici, est-ce que il y a une preuve qui nous dit qu'il n'a pas payé la zakat? D'accord? Et donc à partir de là, il n'y a aucune preuve qui nous dit qu'il a payé, mais il n'y a aucune preuve qui nous montre qu'il n'a pas payé la zakat. Et donc on reste sur cette base, c'est-à-dire qu'on considère que cette personne a payé la zakat comme elle devait le faire normalement. Et à partir de là, donc les héritiers peuvent prendre leur héritage. Il y a une question qui se pose aussi parce qu'on a parlé de El-Haoul. El-Haoul, c'est-à-dire le moment, à un moment précis. On a dit donc que la zakat, c'est le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala en s'acquittant d'une quantité précise, d'un bien précis, à un moment précis. Donc, un an, donc il faut que ce bien soit resté chez nous pendant un an. Taïb, aujourd'hui, et cette question on l'a posée cette année, subhanallah. Aujourd'hui, toi tu sais que ta zakat, tu vas la sortir dans un mois, inshallah. Mais maintenant là, tu sais qu'il y a une personne qui en a besoin tout de suite. T'est-il permis d'avancer ta zakat ou pas? T'est-il permis d'avancer ta zakat ou pas? Il y a deux avis des savants sur ce sujet. Deux avis des savants sur ce sujet. Le premier avis, c'est que non, tu ne peux pas parce que c'est une condition. C'est une condition, el-haoul. Le deuxième avis, c'est que oui, tu peux. Tu peux, pourquoi? Parce que cette condition, ce n'est pas une condition d'acceptation. C'est une condition d'obligation. C'est une condition d'obligation. C'est-à-dire, c'est quoi la différence entre les deux? Une condition d'acceptation, ça veut dire que c'est une condition que l'argent reste chez toi pendant un an, afin que ton aumône soit acceptée. Donc, si l'argent n'est pas resté chez toi un an, ton aumône n'est pas accepté. La zakat n'est pas acceptée. C'est ça qui est voulu par condition d'acceptation. Condition d'obligation. Ça veut dire que, à partir du moment où l'argent reste chez toi pendant un an, là, il t'est obligatoire de t'acquitter de l'aumône. Mais si tu le fais avant, il n'y a pas de mal. Si tu le fais avant, il n'y a pas de mal. Et en réalité, Cet avis, comme dit le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il est fort. Il est fort. Et c'est là qu'on arrive à un autre sujet. On arrive à un autre sujet. Et là, vous allez comprendre le lien entre ce dont je vous parle, ce dont je vous ai parlé tout de suite, et ce qu'on va aborder maintenant. C'est les salaires qu'on prend. Chaque mois, tu reçois un salaire. De ton salaire, tu dis, ça, c'est pour nourriture, boisson, loyer, etc. Les besoins du mois. Ça, c'est pour autre chose. Et ça, c'est ce que je mets de côté tous les mois. Allez. Cette somme que tu mets de côté tous les mois, tes économies, comment tu fais pour retirer ta zakat sur tes économies? Est-ce que tous les mois, tu retires la zakat dessus? Ou alors, tu attends une fois dans l'année, tu prends tout ce qu'il y a sur ton compte, et là, tu retires une fois pour toutes la zakat. Le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit le plus facile ici, le plus simple, c'est que une fois pour toutes, une fois dans l'année, tu prends tout ce que tu possèdes et tu retires la zakat sur tout cela. Tu verras qu'il y a des biens qui ne sont pas restés avec toi pendant un an. Et parmi ces biens, il y a tes salaires que tu récupérais tous les mois. Il y a certains salaires qui sont restés un an, mais il y en a d'autres que tu as reçus il y a 11 mois, d'autres 10 mois, 9 mois, 8 mois, ainsi de suite. Puisque tous les mois, tu reçois ton salaire. Et donc, cet argent-là n'est pas resté un an chez toi. Il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, tout cet argent, tu as avancé la zakat dessus. Tu as avancé la zakat dessus. Et donc, il n'y a pas de mal à sortir la zakat à l'avance. Il n'y a pas de mal à sortir la zakat à l'avance. Le danger, c'est de faire tarder la zakat et de mourir sans avoir payé la zakat. Il est là le danger. Et donc, à partir de là, on comprend qu'il n'y a pas de mal dans tout cela, incha'Allah ta'ala. Est-ce que c'est bien compris les frères ou est-ce qu'il faut répéter l'explication? Alhamdoulilah. Tayyib. Et donc ensuite, donc on continue notre hadith, incha'Allah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Mu'ad après cela, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. Et donc, s'ils t'obéissent en cela, donc la zakat, le fait que tu leur ordonnes de s'acquitter de la zakat et qu'ils obéissent, alors délaisse leurs biens qui ont le plus de valeur. Karaima emwalihim, leurs biens qui ont le plus de valeur. Comment ça? Un euro, c'est un euro. Un billet de 50 euros, c'est un billet de 50 euros. Tu ne vas pas me dire que tel billet de 50 euros a plus de valeur que tel billet de 50 euros. Et donc, qu'est-ce qui est voulu ici? Et c'est là qu'on comprend que la zakat ne concerne pas que l'argent. C'est pour ça qu'on parle de bien. Et donc, on dit le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala en s'acquittant d'une quantité spécifique, d'un bien spécifique. Ce bien-là, ça englobe de l'argent, mais ça englobe aussi autre chose. Il y a la zakat concernant les animaux. La zakat concernant les bestiaux. Et donc ici, cette personne qui a des bestiaux qui doit s'acquitter de la zakat. Il y a des bestiaux que tu vas récupérer, mais tu ne vas pas récupérer ceux qui ont le plus de valeur. Sinon, tu vas faire injustice à cette personne. Tu ne vas pas non plus récupérer les animaux qui ont le moins de valeur. Mais tu vas prendre entre les deux. Voilà ce qui est voulu ici. Et ça, on le verra, inshallah ta'ala, plus tard, même si on va moins détailler que la zakat concernant l'argent, tout simplement parce que par rapport aux gens qui sont en France, ça nous concerne moins. Ça nous concerne beaucoup moins par rapport aux musulmans qui sont en France. Ensuite, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui continue et qui dit « Wattaqi da'wat al-mazloum » et « Méfie-toi » de l'invocation de l'opprimé. Donc ne leur prends pas leurs biens qui ont le plus de valeur. Et méfie-toi de l'invocation de l'opprimé. Barakallahu fikoum les frères. Malheureusement, on est à une époque où les gens n'ont pas peur de l'invocation de l'opprimé. On fait injustice aux gens en parlant sur eux, en ci, en ça. Les gens pensent que faire injustice à une personne, c'est lui voler de l'argent ou taper la personne. Non. Lorsque tu fais de la médisance sur cette personne, lorsque tu vas mentir sur cette personne, tu lui as fait injustice. Encore pire que cela, nous avons les injustices au sein même de la famille. L'homme avec son épouse ou la femme avec son mari. Nous devons craindre l'invocation de l'opprimé. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin du hadith, فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب. Car il n'y a pas de voile entre cette invocation et entre Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc l'islam, notre religion, elle nous appelle à être juste. Elle nous appelle à donc elle nous appelle à nous contrôler, elle nous appelle à améliorer notre comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala et envers les créatures d'Allah. Et ça, c'est un sujet très important. Car il ne convient pas que le musulman, il apprenne les bases de sa religion, il apprend zakat, il apprend la salat, etc. Et au niveau du comportement, il est loin de ce qui lui est demandé. Alors qu'on a déjà vu plusieurs fois que rien n'est plus lourd dans la balance que le bon comportement. Et donc ce sujet n'est pas à prendre à la légère. Et nous, on a fini le premier hadith. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Pourquoi ? Même si le deuxième hadith, il est court. Mais le deuxième hadith concerne un tout autre sujet. Puisque là, jusqu'à maintenant, on a parlé de qui est pris la zakat, à qui elle est donnée. On a parlé du haoul, c'est-à-dire le temps précis. Et maintenant, il nous faut aborder el-miqdar, la quantité. La quantité. Donc, on a dit la définition. Donc, le fait d'adorer Allah en sortant une quantité spécifique. Quelle est cette quantité? C'est ce qui est cité dans le prochain hadith qu'on verra la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. On va arrêter là pour aujourd'hui. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.